village pingouin, ville au bout du chemin. Oui, c'est au village pingouin que se trouvent tous les gueudins. Senbei Norimaki, un docteur et un génie, savait pas quoi inventer, et il était décidé. Il voulait un robot super puissant qui jette des lasers avec ses dents. Un intellect super puissant. Oh oui, oui, mon docteur Slump. Finalement, c'était une fille robot qui est un peu miro. Elle a des cheveux violets et son nom c'est Arale. Arale Norimaki, le robot petite fille. Arale Norimaki, la seule fille qui marche à pile. Un robot super puissant qui a l'allure d'une petite enfant. Un robot super mignon, mais qui est la reine de la baston. Oui, c'est Arale Norimaki, l'invention d'un pur génie. Arale Norimaki, seul robot calamity. Et aussi c'est un robot bigleux, malgré ses beaux yeux bleus. Elle a des super jeux qui rendent tout le monde peureux. Elle dit oi yo yo, oi yo yo yo, oi yo yo yo yo, waouh you, oi yo yo, oi yo yo yo, oi yo yo, chabra oum you. Arale Norimaki et les deux gachan. Tsun, le grand roi Nico-chan, Mashihirito et Superman. C'est comme ça au village pingouin, où tout se passe à brûle pour point. Au village pingouin, où les monstres sont mes copains. Des caca par-ci par-là, Ultraman et Gamera. Petit robot né déglingué qui carbure au biberon fusé. Et elle dit oi yo yo, oi yo yo yo, oi yo yo yo yo, vraoum yo, oi yo yo, oi yo yo yo, oi yo yo, tcha vraoum yo. Toi aussi viens faire un petit tour chez les pingouins. Si tu n'as rien à faire, ou un jour tu te sens pas bien, ne lâche pas l'affaire et deviens un bon pingouin. Arale Norimaki, une fois de plus nous dit, il dit quoi? Oi yo yo,